parler, mais je ne vous entends pas. Et vos visages ne sont que brume voilée. Que vous soyez présent ou pas, quelle différence cela fait pour moi? Je me sens